Bric-à-brac 4. Jacques Fosse. Il y a quelque chose comme 3 ou 4 mois qu'ayant dû prendre ma place à un grand dîner que donnait la société de sauvetage, je fus empêché de m'y rendre par je ne sais quelle affaire. Le lendemain matin, je vis entrer dans mon cabinet un homme de 34 à 35 ans, aux cheveux courts, aux traits vigoureusement accentués, aux membres musculeux. « Monsieur Dumas, me dit-il, je devais dîner hier avec vous. Vous n'êtes pas venu au dîner. Je repars aujourd'hui, et je n'ai pas voulu repartir sans vous voir. »« À qui ai-je l'honneur de parler ?» lui demandai-je. « Je suis Jacques Fosse, me dit-il, un marchand de grains à Beaucaire, et sauveteur dans mes moments perdus. » En disant ces mots, il ouvrit son paletot et me montra sa poitrine, couverte de médailles d'or et d'argent, qui lui faisait comme une éclatante cuirasse sur laquelle, suspendue à son ruban rouge, éclatait comme une étoile la croix de la Légion d'honneur. « Je suis peu sensible à l'entraînement des médailles, des croix et des plaques quand je les vois sur certaines poitrines. Mais j'avoue que, lorsque c'est sur la poitrine d'un homme du peuple qu'elle brille, j'éprouve un certain respect, convaincu que je suis qu'il faut que celui-là les ait gagnés pour les avoir obtenus. Je me levai donc, comme je n'eus certainement point fait devant un ministre, et j'invitai mon visiteur à s'asseoir. Ce que j'appris de cet homme dans la conversation qui suivit, laissez-moi vous le dire, cher lecteur, j'ai plaisir à vous raconter cette vie de lutte, de travail et surtout de dévouement. Jacques Fosse naquit à Saint-Gilles, à ce seul nom, vous vous rappelez, Raymond de Toulouse, et la belle église de Saint-Trophime. Il naquit le 14 juin 1819, ce qui lui constitue aujourd'hui 40 ans ou à peu près. Il était fils de Jean Fosse et de Geneviève Duplessis. Il perdit son père en 1820. Il avait 1 an. La veuve, sans fortune, quitta aussitôt Saint-Gilles pour aller habiter chez sa mère à Beaucaire. En 1822, elle se remaria, épousa un homme nommé Péricot, duquel elle eut 12 enfants, dont 3 sont morts. En 1828, le beau-père de Fosse devint infirme et cessa de travailler. Il y avait déjà 6 enfants de ce second lit à nourrir. Là commença le travail du petit Jacques. Il avait 9 ans. Il s'en alla sur les routes, avec un panier et une pelle, ramassant du crottin. Le pain n'était pas cher à cette époque. Le produit du travail d'un enfant de 9 ans suffit à nourrir toute la pauvre famille. Certes, on ne vivait pas bien avec les 12 ou 15 sous qu'il gagnait par jour, mais enfin, on vivait. Il fit ce métier pendant 1 an, mais comme à 10 ans, il était aussi fort qu'un enfant de 15, il entra comme manœuvre chez un maçon. Jusqu'à 12 ans, il porta le mortier sur ses épaules. En 1830, le 18 juin, il entend crier « Au secours !» C'était le nommé Chaffin, un garçon de 18 ans qui se noyait. Fosse pique une tête du haut du quai, le ramène vers un radeau, manque de passer dessous, accroche une main qu'on lui tend, et au lieu de passer sous le radeau, arrive à monter dessus. Il avait 11 ans. Ce fut son prospectus, courage et dévouement. Jamais programme ne fut mieux suivi. En 1832, à 13 ans, il commença à travailler dans les carrières en qualité d'apprenti mineur. Il y gagnait 25 sous par jour. 2 ans, il fit ce métier. Mais comme le métier devenait mauvais, à 14 ans, il se fit portefaix sur le port. À 14 ans, Fosse portait 700. Il y avait alors de grands mouvements à la foire de Beaucaire. Elle durait 2 mois, amenait 50 000 personnes et étalait un immense commerce de soie, de draperie et de cuir. Pendant cette année 1834, Fosse sauva 3 personnes qui se noyaient dans le Rhône. Un marchand de planches, puis un soldat, puis le fils d'un charcutier nommé Cambon. Le soldat se noyait au vu de toute la compagnie, qui se baignait en même temps que lui et n'osait lui porter secours. C'était au-dessus de Beaucaire, au milieu de ce qu'on appelle le tourbillon du Rhône. Le danger était donc immense. Fosse ne s'y arrêta point. Par bonheur, le soldat, qui avait déjà beaucoup bu, était à peu près évanoui. Fosse le ramena au rivage, au milieu des applaudissements de toute la compagnie. Le jeune Cambon, que nous avons nommé le dernier, s'amusait, lui, en se balançant dans une nacelle. La nacelle chavire, il ne savait pas nager, et allait tout simplement passer sous le bateau à vapeur lorsque Fosse l'atteignit et le sauva. Fosse, en prenant pied au fond du Rhône, avait touché un morceau de bouteille cassée et s'était blessé à un doigt. Depuis ce jour, ce doigt est inerte. Le nerf en a été coupé. En 1836, Fosse entra dans la compagnie des bateaux à vapeur en qualité de pisteur. C'est le nom que l'on donne à ceux qui appellent et dirigent les voyageurs. Dans le courant du mois de juillet, c'est-à-dire en pleine foire de Beaucaire, on vint appeler Fos au moment où il était dans un café chantant. Un ours et deux saltimbanques se noyaient. Voici le fait. Deux saltimbanques montraient un ours qu'ils faisaient danser. Le menu est fini, les saltimbanques pensèrent que leur ours avait besoin de se rafraîchir, ils le menèrent au Rhône. Sollicité par la fraîcheur de l'eau, l'ours ne se contenta pas de boire, il se mit à la nage, entraînant celui des deux saltimbanques qui tenait la chaîne. Le second saltimbanque voulut retenir son camarade, mais fut entraîné avec lui. Quand le premier lâcha la chaîne, il était trop tard, il avait perdu pied. Ni l'un ni l'autre ne savait nager. Quant à l'ours, il nageait comme un de ses confrères du pôle. Fos courut d'abord au saltimbanque. Cependant, comme il craignait d'être saisi par quelques membres essentiels et paralysé dans ses mouvements en se jetant à l'eau, Fos avait pris à tout hasard un cercle de tonneaux. Il présenta le cercle au saltimbanque. L'un d'eux, en se débattant, s'y accrocha. Et comme le second n'avait pas lâché le premier, Fos, en nageant vers le bord, les traîna tous deux après lui. Malgré cette précaution, l'un d'eux parvint à le saisir par la jambe, mais heureusement, le nageur avait pied. Il poussa les deux hommes sur la berge et s'élança à la poursuite de l'ours, qui se gaudissait au beau milieu du fleuve. Il s'agissait non seulement cette fois de sauver l'ours, mais encore de l'empêcher de s'enfuir. Ce n'était pas chose facile. Tout musclé qu'il était, l'ours se sentait en liberté et tenait bravement le milieu du fleuve. Fos s'élança à sa poursuite. Lorsque l'ours vit approcher le sauveteur, il se douta que c'était à lui qu'il en voulait, et se retourna contre lui. Fos plongea et s'en alla chercher la chaîne de fer de l'animal qui, entraîné par son poids, pendait de 5 à 6 pieds sous l'eau. Il prit l'extrémité de la chaîne et nagea vers le bord, entraînant l'ours qui résistait, mais résistait inutilement, entraîné qu'il était par une force supérieure. Cependant, Fos fut obligé de revenir à la surface de l'eau pour respirer. C'était là que l'ours l'y attendait. Il allongea sa lourde patte, dont Fos sentit le poids sur son épaule. Par bonheur, il avait eu le temps de respirer. Il replongea, reprit la chaîne qu'il avait abandonnée un instant, et refit une dizaine de brassées vers le bord, entraînant toujours l'animal après lui. Le même manège se renouvela 10 fois, 15 fois, 20 fois peut-être, Fos plongeant, esquivant, à son retour sur l'eau, le coup de patte de l'ours, replongeant et tirant de nouveau l'animal à terre. Enfin, il reprit pied, remit la chaîne aux mains des saltimbanques et se jeta hors de portée de l'animal, furieux et rugissant. Il va sans dire que tout Beaucaire était sur les ponts et les quais pour assister à cet étrange sauvetage. En 1839, Fos sauva la vie à 5 personnes. 2 d'entre elles étaient tombées dans le Rhône en franchissant la planche qui conduisait au bateau à vapeur. C'étaient 2 hommes de Grenoble, des marchands de bras de charrette. Fos entend crier, fait écarter la foule qui se pressait sur le quai, et, tout habillé, saute de 12 pieds de haut. Il fallait remonter le fleuve et aller chercher sous les bateaux ceux qui s'y noyaient. Les deux marchands s'étaient cramponnés l'un à l'autre. En ouvrant les yeux, Fos les vit au fond du fleuve, se roulant et se débattant. Il nagea droit sur eux, mais l'un le saisit par la jambe, l'autre par les épaules. Tout empêché qu'il ait par eux, il les traîne du côté du quai, s'accroche aux pierres saillantes, finit par sortir la tête hors de l'eau et crie qu'on lui envoie une corde. À peine en a-t-il saisi l'extrémité, qu'il y attache celui qui le tient par les épaules, puis l'autre et crie « Tire !» On les monta tous deux comme un colis. Celui qui tenait la jambe étant resté le plus longtemps sous l'eau était évanoui. L'autre avait conservé toute sa tête. Aussi, à peine sur le quai, s'aperçut-il que son porte-manteau était resté au fond du Rhône. Ce porte-manteau contenait 1500 francs. Fos replonge, rattrape le porte-manteau et reparaît avec lui. Le marchand, pour ce double sauvetage, offrit 50 francs à Fos. Il va sans dire que celui-ci refusa. Le 28 septembre de la même année, Madame de Saint-Maur, belle-mère de Monsieur de Montcalm, arrivée de Lyon avec son fils, elle allait chez son gendre à Montpellier. En passant du bateau au quai, son pied glissa sur la planche humide et elle tomba dans le Rhône. Fos plongea tout habillé, passa avec elle sous le bateau et reparut de l'autre côté. Mais le Rhône est gros et rapide. Il entraîne le nageur et celle qu'il essaye de sauver. Un homme et Vincent détachent un batelet et rament au secours de Fosse. Fosse s'accroche d'une main au bordage du batelet. De l'autre, il soutient Madame de Sainte-Maure. Le poids fait chavirer le batelet, qui non seulement chavire, mais encore se retourne. Fosse laisse Vincent, qui sait nager, se tirer de là comme il pourra. Il place Madame de Sainte-Maure sur la quille du bateau, pousse le bateau vers la terre et aborde à 2 kilomètres de l'endroit où il avait sauté à l'eau. Là, Madame de Sainte-Maure est déposée dans la maison d'un constructeur de bateau nommé Raus. Les deux autres personnes sauvées par Fosse en 1839 étaient un garçon cafetier de Beaucaire et un nommé Soulier. Peu de temps après, Fosse fut mandé chez M. Tavernel, maire de Beaucaire. M. Tavernel était chargé de lui remettre une médaille d'argent de 2e classe ou 100 francs à son choix. Fosse préféra la médaille, elle valait 40 sous. Il avait déjà sauvé la vie à 15 de personnes. Une médaille de 40 sous pour avoir sauvé la vie à 15 personnes, ce n'est pas 3 sous par personne. Fosse s'en contenta. En 1840, il tomba à la conscription. Mais avant de se rendre au régiment, il sauva encore la vie à 2 personnes. L'une se noyait dans le canal, c'était une femme. L'autre dans le Rhône, c'était un employé de messieurs cuisiniers, négociants à Lyon. Ces nouveaux sauvetages lui valurent une 2e médaille de 2e classe. Désigné comme canonnier au 6e d'artillerie, il arriva au corps le 1er septembre 1840. Choisi pour faire partie du camp de Châlons, il fut envoyé à Strasbourg, où se réunissaient les hommes désignés pour Châlons. Pendant son séjour à Strasbourg, il sauve 2 chevaux et 2 hommes du même régiment que lui. Malheureusement, sur les 2 hommes, un seul arrive vivant à terre. L'autre a été tué d'un coup de pied de cheval. Le marquis de la Place avait promis à Fosse, une fois au camp, de lui faire donner la croix par le duc d'Orléans. Mais le camp n'eut pas lieu, à cause de la mort du duc d'Orléans. En 1841, Fosse se trouve à Besançon. Un soldat se noyait dans le Doubs. 2 autres soldats s'élancent à son secours. Tous 3 tombent dans un trou. Tous 3 allaient s'y noyer. Quand Fosse les en retire, tous les 3, est vivant. Ce fut à ce propos qu'il obtint sa 3e médaille de 2e classe. En tirant de l'île les 2 canonniers et les 2 chevaux, Fosse s'était ouvert le flanc avec une bouteille cassée. Au mois de mai 1845, Fosse revint en congé à Beaucaire. La famille avait fort souffert de son absence. Il se remit immédiatement au travail. Elle s'était augmentée. Fosse avait maintenant à nourrir son beau-père, sa mère et 9 frères et sœurs. Mais ce n'était plus le beau temps des portefaix. La foire de Beaucaire, à peu près morte aujourd'hui, dès ce temps-là, s'en allait mourant. Il se fit sieur de Long et, admirablement servi par sa force herculéenne, gagna de 6 à 7 francs par jour. Il profita de cette augmentation, dans sa recette, pour se marier. En 1847, Fosse entra comme facteur-chef à la gare de marchandises, à Beaucaire. Une des conditions de la place était de savoir lire et écrire. On demanda à Fosse s'il le savait. Fosse répondit hardiment que oui. Tout ce qu'il connaissait, c'était ses chiffres jusqu'à 100. Fosse prit 2 professeurs, un de jour, un de nuit. M. Renaud était son professeur de jour. Il venait chez lui de midi à 2 heures. Fosse lui donnait 6 francs par mois. M. Dejean était son professeur de nuit. Fosse lui donnait 12 francs. Au bout de 2 ans, l'éducation de l'écolier de 28 ans était faite. Dans ses moments perdus, Fosse continuait de sauver des gens. Un marinier de Condrieu veut accoster le quai avec son bateau. En sautant de son bateau sur un radeau, le pied lui manque. Il tombe dans le Rhône et passe sous le radeau. Par bonheur, il y avait un trou au radeau. Fosse, qui entend crier à l'aide, accourt. On lui explique qu'un homme est passé sous le radeau. Il plonge par le trou et sort avec l'homme par l'une des extrémités. Au mois de juillet suivant, il sauve la vie à un garçon boulanger qui, en essayant de nager, avait perdu à la fois pied et tête. Quelques jours après, il se jetait dans le feu, il faut bien varier, pour tirer des flammes un enfant qui était sur le point d'être asphyxié. L'escalier était en feu. Il s'agissait d'aller chercher l'enfant au 2nd étage. La compagnie des pompiers avait jugé la chose impossible. Fosse, sans hésiter, se jeta dans les flammes, et cette chose, jugée impossible, il la fit. Le 20 avril 1848, Fosse fut nommé à l'unanimité porte-drapeau de la garde nationale de Beaucaire. Quelques temps après, il obtint l'entreprise des travaux de Remblay sur les bords de la Durance. Au commencement de 1849, il reçut sa 5e médaille. Mais tout cela ne satisfaisait pas son ambition. C'était la croix de la Légion d'honneur que voulait Fosse. et il part pour Paris le 19 mai, se faisant à lui-même le serment de ne pas revenir sans sa croix. Il avait en effet la croix lorsqu'il revint à Beaucaire, le 15 juin suivant, c'est-à-dire près d'un mois après en être parti. À son retour, il créa un établissement de Bains-sur-le-Rhône et se mit à faire le commerce des vieilles cordes et des vieux chiffons. Un établissement de bains, c'était le vrai port de notre sauveteur. Aussi, en 1849, sauve-t-il la vie à 3 ou 4 personnes qui se noient dans le Rhône et entre autres à un garçon confiseur et à un commis d'une maison de commerce. En 1830, la compagnie du chemin de fer l'appelle à diriger le transport du charbon entre Beaucaire et Tarascon. Comme il n'y a que le Rhône à traverser pour aller d'une ville à l'autre, Fosse, tout en dirigeant son charbon, continue à tenir son établissement de bains et à faire son commerce de vieilles cordes et de vieux chiffons. Cela dure jusqu'en 1854. Le 30 janvier 1852, il reçut une médaille en or de première classe. Le 1er octobre 1852, il fut nommé membre de la commission chargée de l'examen des machines à vapeur et obtint par le préfet un bureau de tabac. Le 1er janvier 1853, Fosse est nommé par le ministre des Travaux publics maître du port à Beaucaire. Dans le courant de l'année, Fosse sauve encore 2 personnes qui se noient dans le Rhône. Un maquignon nommé Saunier et un danseur espagnol qui croyait se baigner dans le Manzanares. En 1854, le choléra se déclare en pleine foire de Beaucaire. Fosse soigne les malades et essaye de soutenir ses compatriotes par son exemple. Mais compatriotes et étrangers prennent peur et s'enfuient. Fosse achète au prix qu'ils veulent lui vendre tous les bois des fuyards et, tout en se conduisant avec son courage habituel, réalise un bénéfice considérable. Possesseur d'un petit capital, Fosse donne sa démission de maître du port et met de côté le commerce de bois pour le commerce de grains. Son dernier acte comme maître du port fut de sauver un bateau de vin chargé pour la Crimée. Ce bateau venait de Mâcon. Il se heurte à une jetée sur la digue de Beaucaire et se brise par le milieu. Sur 1500 ou 1600 pièces de vin dont il était chargé, il ne s'en perdit qu'une quarantaine. Fosse sauva le reste. Au milieu de tout cela, un enfant se noie dans le canal. Fosse sauve l'enfant. Au mois de mai 1836, le Rhône monte si rapidement et si obstinément que l'on comprend que l'on va avoir à lutter contre un de ces débordements terribles qui portent la désolation sur les deux rives du fleuve. Pour être libre de ses actions, Fosse envoie femme et enfant à l'hôtel du Luxembourg à Nîmes. Le Rhône monte toujours et atteint une hauteur de 23 pieds au-dessus de son cours ordinaire. Cet événement coïncidait avec un envoi de grains d'Odessa. Les grains arrivèrent à Marseille, mais quelle que fût la nécessité de sa présence dans cette dernière ville, Fosse resta à Beaucaire. C'est que Beaucaire était cruellement menacé. L'eau passait par la porte Beauregard, malgré tous les obstacles qu'on lui opposait. Fosse eut l'idée de boucher la porte avec des sacs de terre. Il travailla 24 heures avec de l'eau jusqu'à la ceinture. De Boulbon à la montagne de Cannes, l'inondation avait 2 lieues d'étendue, et à la surface de l'eau flottaient des berceaux d'enfants, des toits de maisons, des meubles de toute espèce. Le préfet arrive et demande des nouvelles du village de Valabrègue, complètement enveloppé d'eau, et avec lequel toute communication est interrompue. « Vous voulez des nouvelles, monsieur le préfet ?» dit Fosse. « Vous en aurez, ou je ne reviendrai pas. » Fosse, sauf de mourir, venait de promettre plus qu'un homme ne pouvait faire. C'était une seconde représentation du déluge. Valabrègue est à 6 km en amont de Beaucaire. Impossible de remonter l'inondation. Elle suivait le cours du Rhône, charriant les débris de maisons, des arbres arrachés, des barques à moitié sombrées. Il prend le convoi du chemin de fer à la station du Graveron, avec le commissaire central de Nîmes, M. Christophe. Il se met en route avec lui pour Boulbon. Au quart du chemin, M. Christophe, qui s'est démis le pied et qui boit encore, casse la canne sur laquelle il s'appuie. Le trajet dura de 9h du soir à 5h du matin. 5h. On allait à Boulbon à vol d'oiseau sans suivre la route à travers rochers et ravins. Pendant près de la moitié du chemin, Fosse porta M. Christophe qui ne pouvait pas marcher. L'eau était déjà à Boulbon lorsque Fosse et son compagnon y arrivèrent. Or Boulbon est à une lieue de Valabrègue. Et de Boulbon à Valabrègue, c'était non pas un lac, mais une inondation furieuse, pleine de courants, de tourbillons et de remous. Le maire et le conseil municipal étaient en permanence. Fosse requit un bateau, on lui en amena un qui pouvait contenir 8 personnes, il y monta avec le commissaire central et se lança au milieu du courant. Il fallait tout le courage et toute la force du célèbre sauveteur pour éviter ou repousser tous ces débris flottants sur cette mer où l'on ne voyait apparaître que des cimes d'arbres et des toits de maisons. De temps en temps, des branches d'un de ces arbres ou du toit d'une de ces maisons retentissaient un coup de feu, signal de détresse. Fosse ramait du côté où on l'appelait, recueillait le naufragé dans sa barque et continuait son chemin. Enfin, on arriva à Valabreg. On ne voyait plus que les étages supérieurs des maisons et le clocher. Un homme qui était à sa croisée et qui avait de l'eau jusqu'à la ceinture apprend à Fosse que tous les habitants étaient réfugiés dans le cimetière. C'était le point le plus élevé du pauvre village. Fosse dirigea son bateau à travers les rues inondées et arrive au lieu indiqué. 1500 ou 1800 personnes avaient été chercher un refuge au milieu des croix et des tombeaux. Le cimetière était le seul endroit de la ville qui ne fut pas inondé. Il était minuit. Ces 1800 personnes étaient là, sans pain depuis 24 heures. Il n'y avait pas de temps à perdre pour leur porter secours. Fosse laisse avec eux le commissaire central, afin qu'ils sachent bien qu'ils ne seront pas abandonnés. Il abandonne son bateau au cours de l'eau, aborde à l'extrémité de l'inondation et court à Nîmes, où l'attendait le préfet. « Je vous donne carte blanche, » répond celui-ci. « Mais alimentez-les. » Aussitôt, Fosse lance des réquisitions de pain et de vin et organise un convoi qui suivra la montagne, remontera plus haut que Valabreg et descendra ensuite comme Fosse a fait lui-même. Le 1er juin, il arriva à Valabreg avec une barque pleine de vivres. Pendant 8 jours, il fit le service des approvisionnements que nul n'osait faire. Le 3 juin, Monseigneur l'évêque de Nîmes voulut accompagner Fosse afin de porter des paroles de consolation aux pauvres inondés. Fosse le prit dans sa barque et, comme chemin faisant, sa grandeur manifestait quelques craintes sur la fragilité de l'embarcation. « Bon, monseigneur, » répondit Fosse, « qu'avez-vous à craindre, vous, qui ne quittez ce monde que pour aller directement au ciel ?»« Par malheur, je n'en puis dire autant. Aussi, je vous recommande mon âme. » On arriva sans accident. Monseigneur Plantier a consacré cette dangereuse navigation par cette lettre qu'il écrivit à Fosse en matière d'attestation. En 1856, le Rhône était horriblement débordé. De Beaucaire, nous voulûmes aller à Valabreg, village de notre diocèse, situé sur la rive gauche du fleuve. Nous désirions en consoler les habitants, chassés de leur domaine et forcés de se réfugier sur une pointe de terre par une inondation sans exemple. La navigation qui devait nous mener jusqu'à eux n'était pas sans danger. Monsieur Fosse, de Beaucaire, s'est offert à nous conduire, et nous a conduits, en effet, avec la même intrépidité qu'il avait déjà déployée en 1000 autres circonstances périlleuses. C'est une attestation que nous nous plaisons à lui donner, autant par justice que par reconnaissance. Henri, évêque de Nîmes. L'inondation continuait. Le 10 juin, une commission d'ingénieurs se rendit à une brèche en aval de Beaucaire afin d'étudier les moyens les plus prompts de réparer la chaussée et d'arrêter la chute des eaux dans la campagne. La commission, à la tête de laquelle se trouvait le préfet, consulta Fosse afin de savoir si la chute d'eau de 5 ou 6 mètres qui se précipitait en cet endroit permettait la manœuvre d'une barque. « On peut voir, » répondit simplement Fosse. « Seulement, il me faut 2 hommes de bonne volonté. » 2 pilotes se présentèrent. La possibilité de la manœuvre, malgré la chute d'eau, fut démontrée. Les 2 pilotes, pour avoir aidé Fosse en cette circonstance, reçurent tous 2 la médaille en or et de première classe. Pas une seule fois, pendant tout le temps des inondations, où tous les jours Fosse risquait sa vie, pas une seule fois, il ne s'inquiéta des pertes que subissait son commerce, complètement abandonné par lui. Le 19 août 1856, il reçut une nouvelle médaille d'or de première classe. Le 7 juin de l'année suivante, un incendie éclata dans la grande rue de Beaucaire. Fosse fut comme toujours un des premiers sur le lieu du sinistre. Il entendit les spectateurs dire qu'une femme était dans la maison. Il était impossible de monter par l'escalier, qui était en flammes. Fosse applique une échelle à la façade de la maison, entre par une fenêtre, brise les portes et enfin trouve une femme étendue, sans connaissance, sur le carreau. Il la prend dans ses bras, traverse les flammes qui derrière lui se sont fait jour, regagne son échelle, dépose la femme entre les mains des spectateurs émerveillés, remonte, malgré les instances de tous, dans la maison, pour voir s'il n'y a plus personne à sauver, et n'en redescend que lorsqu'il s'est bien assuré qu'elle est déserte. Alors il demanda des nouvelles de la femme. Il était arrivé trop tard. Elle était déjà asphyxiée. Fosse n'avait sauvé qu'un cadavre. Le 15 janvier 1858, se promenant dans la rue de l'Arbre, à Marseille, il entend crier « Assassin !» Il se retourne et aperçoit un homme à figure suspecte, courant comme une trombe et renversant tout ce qui se trouvait sur son passage. Fosse étend la main sur le fuyard, lutte avec lui et le terrasse. C'était un forçat évadé qui, depuis sa fuite du bagne, avait déjà commis bon nombre de vols. Fosse le remit aux agents de la police, doux, comme un mouton. Cette métamorphose s'était opérée lorsqu'il avait senti craquer ses os entre les mains de Fosse. Foss, en sa qualité de membre de la Société des sauveteurs de France, se rendit à Paris à la fin de l'an dernier. Une réunion des sauveteurs de tous les départements devait avoir lieu le 16 décembre. Ce fut alors que je le vis. Foss fut, de la part de cette société, l'objet d'une véritable ovation. Le président de la société le proclama le premier sauveteur de France et fit insérer dans l'illustration un portrait de lui, suivi de l'énumération de ses actes de courage et de dévouement. J'envoie cet article à l'impression, mais avant qu'il soit imprimé, je m'attends à recevoir le récit de quelques nouveaux sauvetages de Foss. Si cela arrive, cher lecteur, vous le trouverez en post-scriptum. Le château de Pierrefonds. Le château de Pierrefonds. Pierrefonds est un pays que j'ai découvert en rôdant autour de Villers-Cotterêts vers 1810 ou 1812. Christophe Colomb, de 8 à 10 ans. Je faisais 3 lieues et demie en allant, 3 lieues et demie en revenant, total 7 lieues, pour aller jouer une heure dans les ruines. Et les fortes têtes du pays disaient « Voyez le paresseux, il aime mieux vagabonder sur les grandes routes que d'aller au collège. Il ne fera jamais rien. » Je ne sais pas si j'ai fait grand-chose, mais je sais que j'ai diablement travaillé depuis. Il est vrai que ce travail n'a pas eu un brillant résultat. Juste mieux fait, je crois, au lieu d'entasser volume sur volume, d'acheter un coin de terre et d'y mettre caillou sur caillou. J'aurais au moins aujourd'hui une maison à moi. Bah, n'ai-je pas la maison du bon Dieu? Les champs, l'air, l'espace, la nature, ce que n'ont pas enfin les autres qui ne savent pas voir ce que je vois. Je lisais dernièrement dans un petit volume dont les critiques n'ont point parlé, probablement à cause de sa haute valeur, de fort beaux vers qu'il faut que je vous dise, cher lecteur. Ils sont intitulés « Le partage de la terre ». Les voici. Alors que le Seigneur, de sa droite féconde, eut dans les champs de l'air laissé tomber le monde, qu'il eut tracé du doigt, comme fait le pilote à la barque qui passe, la route qu'il devait parcourir dans l'espace, il dit « Que l'homme soit ». À sa voix s'agita la surface du globe, la terre secoua les plis verts de sa robe, et le Seigneur alors, vers lui, vit accourir, comme des ouvriers demandant leur salaire, de l'équateur en flammes et des glaces polaires, ces atomes d'un jour qui naissent pour mourir. « Cette terre est à vous, dit le Maître suprême, ainsi que fait un père à ses enfants qu'il aime. Les loups vous sont offerts, chaque homme a droit égal au commun héritage. Allez, et faites-vous le fraternel partage de la terre et des mers. Alors, selon sa force ou bien son caractère, l'homme petit ou grand, prit sa part de la terre, le noble le donjon aux gothiques arceaux, le laboureur le champ où la rivière coule, le commerçant la route où le chariot roule, le notonnier la mer où glissent les vaisseaux. Déjà, depuis longtemps, le prince avait le trône, le pape la tiare et le roi la couronne, et le pâtre craintif sur les monts gazonneux, les troupeaux qu'il fait paître. Quand, venant le dernier, le Seigneur vit paraître un homme à l'œil pensif. D'un rêve sur son fronton voyait flotter l'ombre. Il marchait lentement, triste, sans être sombre. Parfois, il s'arrêtait pour cueillir une fleur. Enfin, au pied du trône, il releva la tête et dit en souriant « Moi, je suis le poète. N'avez-vous rien gardé pour votre fils, Seigneur ?» Dieu dit « Tu viens trop tard. » Lui répondit « Peut-être. » Non, tu vois qu'ici-bas toute chose a son maître. De son avoir jaloux, mais où donc étais-tu, tête en rêve féconde, quand on faisait sans toi le partage du monde? J'étais à vos genoux. Mon regard admirait la splendeur infinie, mon oreille écoutait la céleste harmonie. Pardonnez donc, mon père, à l'esprit contempteur, qui, perdu tout entier dans l'immense mystère, s'est laissé prendre, hélas, sa part de cette terre, tandis qu'il adorait son divin créateur. Et pourtant, tout est pris, dit le maître sublime, la côte et l'océan, la vallée et la cime. Que veux-tu, c'est la loi. Mais en échange, viens, en tout temps, à toute heure, je te garde, mon fils, place dans ma demeure. Et mon ciel est à toi. Vous voyez que la part du poète est encore la meilleure. Puis il a les ruines. Revenons aux nôtres. Ce sont de magnifiques ruines que celles de Pierrefonds, les plus belles de France, peut-être. Sans en excepter celle de Coucy. Elle domine un petit lac que j'ai connu étant, mais qui a fait son chemin comme celui d'Enghien, et qui s'est fait lac à la manière dont beaucoup de gens se font nobles. Elle couronne un charmant village, plus charmant autrefois, quand ses maisons étaient couvertes de chaumes, qu'il ne l'est aujourd'hui, avec six villas couvertes d'ardoises. Enfin, elles sont situées entre deux des plus belles forêts de France, c'est-à-dire entre la forêt de Compiègne et la forêt de Villers-Cotterêts. Le château dont elles sont les restes a été bâti par un de ces hommes qui, l'on ne sait trop pourquoi, laisse à la postérité un souvenir sympathique. Louis d'Orléans, premier duc de Valois, le commença en 1390 et l'acheva en 1407. Les Arabes disent « la maison achevée, la mort y entre ». Aussi laissent-ils toujours quelque chose à faire dans leur maison, d'où il résulte que d'habitude, leur maison tombe en ruine sans avoir été achevée. Le château de Louis d'Orléans achevé, les Bourguignons voulurent y entrer. C'était à peu près la même chose que la mort. Mais aux Bourguignons pouvaient résister, quoique ce fût difficile, et Boscio, capitaine orléaniste, défendit bravement Pierrefonds. C'était au plus fort des guerres entre le duc d'Orléans et Jean, surnommé par ses flatteurs Jean sans peur. C'était Jean sans foi qu'il lui fallut l'appeler. Singulière époque que cette époque. Le roi était fou, le royaume était fou. Lequel avait donné la folie à l'autre? On ne sait. Les familles des vieux barons croisés étaient éteintes, ou à peu près. On cherchait, sans les pouvoir trouver, les grands fiefs souverains des ducs de Normandie, des rois d'Angleterre, des comtes d'Anjou, des rois de Jérusalem, des comtes de Toulouse et de Poitiers. À la place de cette puissante moisson fauchée par la mort, avait surgi une noblesse douteuse, aux écussons surchargés d'armes parlantes ou d'animaux monstrueux, et entourés de devises qui rendaient plus contestable encore la noblesse qu'elles étaient chargées de soutenir. Puis les costumes, comme les blasons, étaient devenus étranges, inouïs, fantastiques. Il y avait les hommes-femmes, gracieusement attifés, traînant des robes de 12 aunes. Il y avait les hommes bêtes, au juste au corps brodé de toutes sortes d'animaux. Il y avait les hommes musiques, qui pouvaient servir de pupitres aux ménestrels et aux troubadours. Il y a, au catalogue imprimé de la collection de M. de Courcelles, une ordonnance de Charles d'Orléans, le fils de celui dont nous nous occupons, qui autorise à payer une somme de 276 livres, 7 sous 6 deniers tournois, pour 900 perles destinées à orner une robe. Et voulez-vous savoir ce que c'était que cette robe, cher lecteur? La voici. Sur les manches est écrite, broderie tout au long, le dicte de la chanson. Madame, je suis plus joyeux. Et notez tout au long, sur chacune des dites de manches, 565 perles pour servir à former les notes de la dite chanson où il y a 142 notes. C'est à savoir, pour chaque note, 4 perles en carré. Mais ceci n'était rien, et quoique les prêtres prêchassent contre ces modes insolites, leurs anathèmes étaient réservés surtout à ceux et à celles qui mettaient pour leur toilette le diable à contribution. Il y avait des cornes partout. Les femmes, grâce à leur hennin, les portaient sur la tête. Les hommes, grâce à leur poulaine, les portaient aux pieds. La crinoline, que nos modernes coquettes portent à leurs jupons, les femmes du XIVe siècle la portaient à leur bonnet. Les dames et demoiselles, dit Juvénal des Ursins, menaient grands et excessifs états et cornes merveilleuses, hautes et larges et avées de chaque côté, au lieu de bourrer deux grandes oreilles si larges que quand elles voulaient passer l'huis d'une porte, il fallait qu'elles se tournassent de côté ou ébaissassent. Or, au nombre des plus élégants cavaliers faisant la cour à toutes ces belles dames, grasses, décolletées et cornues, était le jeune roi Charles VI et son frère plus jeune encore, le duc Louis d'Orléans. Le premier, le roi, venait d'épouser son impudique bavaroise Isabeau. Le second, Louis, venait d'épouser sa douce et fidèle Valentine de Milan. Elle lui avait apporté en dot Asti, avec 450 000 florins. L'autre avait apporté à son époux l'adultère, la guerre civile, la folie. Le pauvre jeune roi était pourtant bien gai, bien heureux, bien courtois, ne demandant qu'à rire et à s'amuser. Après son mariage, il avait fait son tour de France, et, gai compagnon du trône qu'il était, sa royale chevauchée. Il partait de Paris, où l'on venait de célébrer l'entrée de la reine, entrée depuis 4 ans. Mais pour ce cœur joyeux, pour cet esprit couleur de rosée, tout était matière à fête. Le vin et le lait avaient coulé dans Paris par la bouche de toutes les fontaines. Au carrefour, les frères de la Passion avaient joué de pieux mystères. À la rue Saint-Denis, deux anges, avait posé une couronne sur la tête de la reine. Au pont Notre-Dame, un homme était descendu par une corde tendue autour de la cathédrale, avec deux flambeaux à la main. Et pour mieux voir, pour mieux entendre, pour mieux être partout, le roi et son frère Louis d'Orléans s'étaient mêlés à la foule des bourgeois et, trop pressés d'être au premier rang, avaient reçu des sergents, main bon Orion, dont ils montrèrent le soir les marques aux dames de la cour. Paris s'était fort réjoui de cette entrée de la reine. On lui avait promis une diminution d'impôts. Tout au contraire, il fallait payer la fête. Ce fut Paris qui la paya. En août, on décria les pièces de 12 et de 4 deniers, avec défense de les passer sous peine de la corde. Or, c'était la monnaie du peuple, le seul argent du pauvre, de sorte que le pauvre, c'est-à-dire le peuple, ne sachant plus comment ni avec quoi acheter du pain, puisque sa monnaie n'avait plus cours, cria famine dans ces mêmes rues où les fontaines faisaient jaillir la veille du vin et du lait. Le prétexte de ce voyage à travers la France, ce fut d'aller à Avignon, s'entendre avec le pape sur les moyens d'éteindre le schisme. Le véritable motif, c'était le plaisir. Or, pour que le plaisir fût complet, le roi Charles VI ne prit ni ses deux oncles, deux illustres voleurs, les ducs d'Anjou et de Berry, ni la reine, qui trouva moyen de se faire, dans un autre genre, une illustration non moins grande que ses deux oncles. D'abord, on s'arrêta à Nevers, où l'on fut reçu par le duc de Bourgogne, pas le duc Jean, mais son père, avec lequel on était en paix. Puis on gagna Lyon, la ville demi-italienne. On y passa 4 jours en jeux, bals et galanteries. Enfin, on arriva à Avignon, chez le pape. Avignon était devenu une seconde Rome, aussi dissolue que la première, où Giotto peignait, où Pétrarque chantait, où Vaucluse murmurait. On était à la source des indulgences. Comment n'eût-on pas péché ? Pas une jeune et jolie avignonnaise qui ne se souvint de ce passage, dit Froissart. Le schisme ne fut pas éteint du tout, mais le pape donna au duc d'Anjou le titre de roi de Naples et au roi Charles la disposition de 750 bénéfices. On passa à Languedoc. Là commencèrent de s'éteindre les bruits joyeux des instruments, et les cris, les plaintes, les murmures les remplacèrent et les couvrirent. Le pauvre Languedoc était non seulement ruiné, pressuré, mangé, mais encore dépeuplé par le duc de Berry, son gouverneur. 40 000 habitants avaient émigré dans l'Aragon. Avides et prodigues, ils prenaient aux uns pour donner aux autres. Son bouffon, d'une seule fois, avait touché 200 000 livres. Puis il aimait les châteaux, aux tourelles anciennes, et faisait creuser ces dentelles de pierre que les églises du XIVe et du XVe siècle jetaient comme mantelées sur leurs épaules. Il aimait les précieux manuscrits, les brillantes enluminures, les miniatures à fond d'or, et il jetait l'or aux architectes et aux artistes. Cet or, il fallait le prendre quelque part, et le bon gouverneur du Languedoc le prenait où il le trouvait. Enfin, il venait d'avoir une dernière fantaisie, non moins coûteuse et bien autrement folle que les autres. À 66 ans, il avait épousé une enfant de 12, la nièce du comte de Foix. Il fallait une justice à ce pauvre peuple. Le roi, tandis qu'il était retenu pendant 12 jours à Montpellier par les vives et frisques demoiselles du pays, auxquelles il donnait, dit Froissart, annelés et fermaillés d'or, ordonna d'arrêter de faire le procès de Bétizac. Bétizac était lieutenant du duc de Berry. Il fut reconnu coupable et condamné à être brûlé vif. Le roi quitta son harem de Montpellier pour l'aller voir brûlé vif à Toulouse. Le duc de Berry, le véritable dilapideur, sentit-il la chaleur du bûcher ? J'en doute. Pendant qu'il était en train, le bon roi Charles, qui venait de faire justice, fit faveur, et il accorda aux abbayes de filles de joie que leurs pensionnaires ne portassent plus de costume, sauf une jarretière d'autre couleur que leur robe au bras. Comment n'eût-on pas adoré un pareil roi, qui brûlait les voleurs et qui habillait les filles de joie comme les honnêtes femmes ? Il était si las de fête qu'il évita celle qu'on lui préparait à son retour. Sa rentrée fut tout simplement un steeplechase, et il gagea avec son frère que, partant au galop en même temps que lui, il arriverait avant lui. C'est le roi qui gagna. Pauvre roi, ce fut sa dernière chance au jeu. À 22 ans, il avait tout usé. À 22 ans, la tête était morte et le cœur vide. À 23 ans, il était fou. Ses deux oncles prirent le royaume. Louis, qu'il venait de faire duc d'Orléans, prit sa femme. Et il est vrai que la prenait à peu près qui voulait. Par malheur, le beau jeune prince ne se contenta point de la femme de son frère Charles le Fou. Il prit encore celle de son cousin Jean de Bourgogne. L'anecdote est-elle vraie? On dit qu'un soir, que Jean de Bourgogne et Louis d'Orléans avaient soupé ensemble, il passa une singulière idée dans l'esprit fantasque du jeune prince. C'était de faire voir au mari trompé le corps de sa femme, moins la tête. Ce corps était charmant, et Jean de Bourgogne envia fort le bonheur du duc d'Orléans. Eugène de la Croix a fait un charmant petit tableau de ce fait qui n'a jamais acquis une valeur historique, et auquel on attribua cependant la mort du duc d'Orléans. Nous croyons que les causes d'antagonisme politique étaient suffisantes entre les deux princes, sans qu'on y mêlât une jalousie amoureuse. En somme, les deux cousins étaient fort brouillés. Lorsque le vieux duc de Berry, croyant faire merveille, décida le duc de Bourgogne à faire une visite à Louis d'Orléans. Celui-ci était malade à son château de Beauté, charmant séjour, comme l'indique son nom, perdu dans les replis de la Marne, belle et dangereuse rivière, sur les bords de laquelle Frédégonde eut un palais, et du sein de laquelle un pêcheur, raconte Grégoire de Tours, retira le corps du jeune fils de Chilpéric, noyé par sa marâtre. C'était à la fin de l'automne, les feuilles tombaient. C'était l'époque des sombres pressentiments. Louis avait été visité de l'Esprit de Dieu. Depuis quelque temps, il pensait beaucoup à la mort. Il avait de sa main, et fort chrétiennement, fait un testament où il recommandait ses enfants à son ennemi, le duc de Bourgogne. Il lui demandait d'être porté à son tombeau sur une clé couverte de cendres. Il avait eu non seulement des pressentiments, mais encore une vision. Une nuit que, logé au couvent des Célestins, il allait à Matine, il rencontra la mort en traversant un dortoir. L'ange sombre tenait une faux à la main, et avec cette faux, il lui fit lire sur la muraille cette inscription latine. Juvenes accenes rapio. Il fut dans ces circonstances que le duc de Berry eut l'idée de réconcilier ses deux neveux. Au commencement de novembre, il conduisit, comme nous venons de le dire, le duc de Bourgogne au château de Beauté, où Louis le reçut courtoisement. Puis il les fit communier le vin et les invita à dîner pour le 22. Le vin, ils avaient partagé l'hostie. Le 22, ils partagèrent le repas. Depuis le 17, le duc de Bourgogne avait tout préparé pour l'assassinat du duc d'Orléans. Je ne sais, cher lecteur, si ce que j'ai vu il y a 2 ou 3 ans existe encore aujourd'hui, au milieu des bouleversements dont Paris est le théâtre. Ce que j'ai vu, c'est une petite tourelle qui s'élevait au coin de la vieille rue du Temple et de la rue des Francs-Bourgeois. Cette petite tourelle, légère, élégante, gracieuse, et qui contrastait fort avec la lourde maison à laquelle elle était accrochée, cette petite tourelle, noire et lézardée aujourd'hui, était blanche et neuve lorsqu'elle vit s'accomplir l'événement que nous allons raconter. Elle fermait de ce côté le grand enclos de l'hôtel Barbette, occupé alors par la reine Isabeau. Cet hôtel s'élevait dans un quartier peu fréquenté à cette époque, hors de l'enceinte de Philippe Auguste et entre les deux juridictions de la ville et du temple. Il avait été bâti par le financier Étienne Barbette, dont il avait gardé le nom. Étienne Barbette était maître de la monnaie sous Philippe le Bel, le roi de France qui a le plus travaillé à la monnaie de son pays, non pas pour la rendre meilleure et pure, bien entendu. En général, lorsqu'on refond les monnaies, ce n'est point pour en enlever l'alliage. Ce même hôtel, 80 ans après la mort d'Étienne Barbette, appartenait à un autre parvenu, le grand maître Montaigu. Montaigu était des bons amis de Louis d'Orléans. Ce dernier obtint de lui qu'il céda son hôtel à la reine Isabeau, qui détestait l'hôtel Saint-Paul où elle était sous les yeux de son mari. Tout au contraire, la voluptueuse allemande adorait son petit logis. Elle l'avait embelli à l'intérieur, agrandi au dehors, étendu jusque la rue de la Perle. Elle y était accouchée, le 10 novembre, d'un fils qui était mort en naissant. Le peuple avait alors fort murmuré. On la savait depuis fort longtemps éloignée de son mari, et l'on avait attribué au duc d'Orléans les honneurs de cette intempestive fécondité. On avait été jusqu'à faire un crime à la mère de cette douleur. On avait trouvé qu'elle avait pleuré cet enfant plus qu'on ne pleure un enfant d'un jour. C'était injuste. Un enfant n'a point d'âge pour la mère. C'est son enfant, c'est-à-dire la chair de sa chair. Voilà tout. Nous avons dit que, dès le 17, Jean de Bourgogne avait décidé l'assassinat du duc d'Orléans. Depuis longtemps, il le méditait. Dès la Saint-Jean, c'est-à-dire 4 mois auparavant, il cherchait dans Paris une maison pour y dresser un guet-apens. Un de ses agents était en course à cet effet, et comme cet agent était clerc de l'université, il donnait pour prétexte à cette location le besoin qu'il avait d'un magasin où mettre le vin, le blé et les autres denrées que les clercs recevaient de leur pays et avaient le privilège de vendre sans droit. Le 17, la maison était trouvée et livrée. C'était la maison de l'image Notre-Dame, située vieille rue du Temple et ainsi nommée d'une image de la Vierge incrustée dans une niche au-dessus de la porte. L'homme qui devrait frapper était un valet de chambre du roi. L'homme qui devait trahir était Raoul d'Auquetonville, ancien général des finances que le duc avait chassé autrefois pour malversation. Le 20, nous l'avons dit, les deux princes avaient communié à la même hostie. Le 22, nous l'avons dit encore, ils avaient dîné à la même table. Le mercredi 23 novembre, le duc d'Orléans avait soupé chez la reine et soupé gaiement afin d'adoucir sa douleur. L'île religieuse de Saint-Denis, Dolorem Studens Missigari. Lorsque tout à coup le valet de chambre du roi, celui qui s'était chargé de trahir, vint dire au prince que le roi le demandait à l'instant même. Le duc avait 600 chevaliers qu'il pouvait réunir et dont il pouvait se faire une escorte dans les occasions d'apparat. Mais pour aller chez la reine, visite mystérieuse, il ne prenait d'ordinaire qu'un ou deux pages et quelques valets. Aussi l'assassin avait-il compté sur cette circonstance et avait-il décidé que ce serait à la sortie du duc d'Orléans de l'hôtel Barbette qu'il accomplirait son crime. Il était 8 heures lorsque cette fausse nouvelle qui était attendue par le roi parvint au duc d'Orléans. De l'hôtel Barbette à l'hôtel Saint-Paul, il n'y avait qu'un pas. Aussi le duc d'Orléans, comptant revenir chez la reine, y laissa-t-il une partie sa suite. Il sortit, n'emmenant avec lui que 2 écuyers montés sur le même cheval, 1 page et quelques valets portant des torches. C'était de bonne humeur pour un homme de cour habitué, comme Louis d'Orléans, à faire de la nuit le jour. Mais c'était plus tard pour ce quartier sombre, solitaire et retiré. Cependant, le duc ne songeait à rien, ou s'il avait quelques pensées, c'était une pensée joyeuse. Il s'en allait par la rue Vieille du Temple, un peu en arrière de ses gens, chantonnant à demi-voix une gaie chanson et jouant avec son gant. 2 personnes le voyaient et remarquaient ces détails sans se douter que ce joyeux jeune homme, le duc d'Orléans, était jeune encore, ayant 36 ans à peine, sans se douter que ce joyeux jeune homme allait au-devant de la mort qui, quelque temps auparavant, lui était apparue. Ces 2 personnes étaient un valet de chambre de l'hôtel de Rieux et une pauvre femme nommée Jacquette Riffard, dont le mari était cordonnier, et qui logeait dans une chambre du même hôtel. Jacquette le suivit quelque temps des yeux au milieu de la nuit, enviant probablement le sort de ce riche qui avait des torches pour l'éclairer dans l'obscurité. Puis, comme elle quittait la fenêtre pour aller coucher son enfant, elle entendit crier « À mort ! À mort !» Elle revint aussitôt vers la fenêtre, son enfant entre ses bras. Le prince était déjà précipité de son cheval. Il était à genoux dans la rue, et 7 ou 8 hommes masqués frappaient sur lui à coups de hache et d'épée. Et lui criait « Qu'est ceci ? D'où vient ceci ? Que me voulez-vous ? » Et pour parer les coups, il mettait sa main en avant. Mais un coup d'épée lui abattit la main, en même temps qu'un coup de hache lui fendait la tête. Alors il tomba, mais on continua de frapper. La pauvre femme qui voyait cette boucherie criait de toutes ses forces « Au meurtre !» Un des assassins tourna la tête, la vide à sa fenêtre, et avec un geste de menace « Tais-toi !» lui dit-il, « vilaine femme !» Elle se tut, épouvantée, mais continua de regarder. Alors, de l'image Notre-Dame, elle vit sortir un homme de haute taille, avec un chaperon rouge abaissé sur les yeux. Cet homme se pencha vers le duc et, après l'avoir examiné avec soin, dit « Éteignez tout et allez-vous-en, il est mort. » Pour une plus grande sûreté, un des assistants donna encore un coup de masse au pauvre duc, mais celui-ci ne fit aucun mouvement. Seulement, près de lui, un enfant, tout ensanglanté, se souleva et, sans penser à lui-même, « Ah, mon seigneur, mon maître, » dit-il. Un coup de pommeau d'épée le recoucha, mort à côté du mort. C'était le page, un blond enfant d'Allemagne, donné au prince par Isabeau. L'homme au chaperon rouge avait eu raison de dire qu'on pouvait éteindre les torches et s'en aller. Louis d'Orléans était mort, en effet, et bien mort. Le bras droit était coupé à deux endroits, au poignet et au-dessous du coude. La main gauche était détachée et avait volé à 10 pas de là. La tête était fendue de l'œil à l'oreille, en avant et derrière, d'une oreille à l'autre. La cervelle en sortait. Au milieu de la consternation et de la terreur générale, ces pauvres restes furent portés, le lendemain, à l'église des Blancs-Manteaux. Et maintenant, pourquoi la France a-t-elle tant aimé et tant regretté ce beau prince? Qu'avait-il fait le débauché, l'amoureux, le prodigue, pour mériter une pareille affection? Vivant, il avait terriblement vexé le peuple et avait été bien souvent maudit par lui. Mort, tout le monde le pleura. La France la première. Si l'on me presse d'expliquer pourquoi je l'aimais, dit Montaigne, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Interrogeons la France à l'endroit de son deuil. Elle répondra comme Montaigne « je l'aimais ». La France, si souvent marâtre, fut pour lui une tendre mère. Elle aima celui-ci mêlé de bien et de mal qu'il était, et quoique ses défauts et ses vices l'emportassent sur ses vertus, il faut dire que ses défauts étaient charmants et ses vices aimables. L'esprit était léger, mais gracieux et doux. Derrière l'esprit était le cœur, un cœur bon et humain. Puis ce fut le père de Charles d'Orléans, le prince poète, le prisonnier d'Azincourt. Ce fut le père de Dunois, cet illustre bâtard qui, avec Jeanne d'Arc, chassa l'Anglais de la France. Ce fut l'aïeul de Louis XII, qu'on appela le père du peuple. Puis les larmes de sa femme, à qui il avait tant fait verser de larmes, firent beaucoup pour lui. Quand on la vit vêtue de deuil, tenant d'une main son fils, de l'autre Dunois, demander justice au roi, à la France, à Dieu, tous les assistants éclatèrent en sanglots. Les pleurs appellent les pleurs, et moi-même, après 5 siècles, ce n'est point sans une certaine tristesse que je regarde les ruines de ce château, mutilées comme celui qui l'a bâti. Ses tours sont ouvertes comme l'était son front, ses murailles sont trouées comme l'était sa poitrine, ses débris sont dispersés comme cette main, ce morceau de bras et cette cervelle qu'on ne rejoignit que le lendemain au pauvre corps auquel ils avaient appartenu. C'est que celui qui a renversé ce château, qui a éventré ses tours, était un rude lutteur. Lui aussi, avec sa robe rouge, s'est penché sur le cadavre de la féodalité qu'il avait égorgée, et, comme Jean de Bourgogne, il a dit « Éteignez tout et allez-vous-en, elle est morte !» Ce lutteur, c'était le cardinal de Richelieu. À l'époque où, tout enfant, je venais de Villers-Cotterêts, à Pierrefonds, pour jouer 2 heures dans les ruines, je ne savais pas ce que c'était que Louis d'Orléans qui les avait bâtis, ce que c'était que de Rieux qui les avait tenus au nom de la Ligue, ce que c'était que le comte d'Auvergne qui les avait prises, ce que c'était enfin que le cardinal de Richelieu qui les avait faites. Mais ces ruines ne m'en paraissaient pas moins splendides. Elles appartenaient alors à M. Radix de Sainte-Foy, qui les avait achetées 1500 francs à M. Canis, qui lui les avait achetées à M. Delonguet, lequel les avait achetées de la Nation, laquelle les avait confisquées à la maison d'Orléans. Ce n'est qu'en 1813 qu'elles firent retour à l'État, achetées par l'empereur à M. He, qui les tenait de M. Arnoux, gendre et héritier de M. de Sainte-Foy. L'empereur les paya 2750 francs. Elles étaient alors à peu près inconnues, et le chemin n'était pas meilleur pour y venir de Compiègne que pour y aller de Villers-Cotterêts. Arrivé à Pierrefonds par un chemin à peu près impraticable, il fallait monter aux ruines par un sentier à peu près impossible. À cette époque, il n'y avait pas d'escalier pratiqué au sommet des tours, pas de harpe éolienne vibrant au faîte des donjons. Les chemins n'en étaient pas ratissés, les murs époussetés, les cours étaient désherbés. C'était quelque chose de sauvage et de rude, comme le spectre du Moyen-Âge. Les premiers qui découvrirent Pierrefonds, après moi bien entendu, furent des paysagistes. Mon vieil ami Régnier, Jadin, Descamps, Flair. On se montrait les uns aux autres les études faites, on se renseignait, on s'orientait, la boussole d'une main, la palette de l'autre. On arrivait à doubler le cap de Près-la-Ville ou le promontoire de Réteuil, et l'on se trouvait en face des ruines. Il y avait alors à Pierrefonds une seule auberge, au Grand Saint-Laurent. Le saint était représenté sur son grill au moment où il prie, qu'on le retourne sur le côté gauche, se trouvant assez cuit sur le côté droit, ce qui était l'emblème du sort réservé aux voyageurs. Un jour vint un artiste qui, trouvant sans doute un peu trop vif ce feu de l'autel, acheta un terrain et se fit bâtir une maison. À partir de ce moment, Pierrefonds fut un pays découvert. Cet artiste était Monsieur de Flubet. Comme tous les artistes, il avait dit « Je vais poser là ma tente pour un mois ou deux mois et y dépenser 500 francs. Il y est depuis 30 ans et y a dépensé 500 000 francs. » Vers ce temps, un second hôtel s'établit, faisant concurrence à celui du Grand Saint-Laurent, aujourd'hui disparu, de telle façon que, moins heureux que l'ancien château, il n'a même pas sa ruine. Ce second hôtel existe encore. Aujourd'hui, comme alors, il s'appelle l'Hôtel des Ruines. Il était signalé par un drapeau blanc qui devint tricolore en 1830. Le drapeau surmontait cette inscription « Connétable Tergius » montre les ruines aux amateurs. Vous le voyez, dès 1828, la civilisation avait pénétré à Pierrefonds. On montrait les ruines. Bienheureux temps où j'allais les voir et où personne n'était là pour me les montrer. Peu à peu, la lumière et la vie pénétrèrent à Pierrefonds. Pierrefonds n'était qu'un village et devint un bourg. Ce village avait un étang. Cet étang devint un lac. Bien plus, sur ce lac, M. de Flubet fit construire un brick de 5 ou 6 tonneaux. Ce brick s'appela l'artiste. Alors s'éleva un troisième hôtel, destiné à faire concurrence à l'hôtel des ruines, comme l'hôtel des ruines avait été destiné à faire concurrence à l'hôtel du Grand Saint-Laurent. Il fut inauguré sous la dénomination expressive d'hôtel des étrangers. Donc les étrangers commençaient à affluer à Pierrefonds, puisqu'un spéculateur hardi n'hésitait pas à écrire sur le fronton du nouvel édifice « Hôtel des étrangers ». Sur ces entrefaites, M. de Flubet, dans un des voyages d'exploration qu'il fit aux environs de sa propriété, découvrit une source d'eau sulfureuse. Dès lors, Pierrefonds était complet, historique par ses ruines, pittoresque par sa position, sanitaire par sa source. Plusieurs flacons bouchés avec soin furent envoyés au ministre d'Agriculture, dans le département duquel se trouvent les eaux minérales. Ces eaux furent décomposées par M. O. Henry, le fameux décompositeur d'eau. Il déclara que la source de Pierrefonds, comme celle d'Enghien, du Riage, de Chamonix, etc., etc., devait leur sulfuration à la réaction de matières organiques sur les sulfates et devait être rangée parmi les eaux hydrosulfatées, hydrosulfurées, calcaires. Dès lors, elles eurent leur brevet d'eau sanitaire et furent rangées dans la catégorie des eaux aristocratiques et sentant mauvais. Ce fut alors que M. de Flubet, pour donner toute facilité aux malades de venir prendre les eaux, fit bâtir des bains et convertir sa maison en un hôtel. Dès lors, Pierrefonds était complet, historique par ses ruines, pittoresque par sa position, sanitaire par sa source. Plusieurs flacons bouchés avec soin furent envoyés au ministère de l'Agriculture, dans le département duquel se trouvent les eaux minérales. Ces eaux furent décomposées par M. Olivier Henry, le fameux décompositeur d'eau. Il déclara que la source de Pierrefonds, comme celle d'Enghien, du Riage, de Chamonix, etc., etc., devait leur sulfuration à la réaction de matières organiques sur les sulfates et devait être rangée parmi les eaux hydrosulfatées, hydrosulfuriques, calcaires. Dès lors, elles eurent leur brevet d'eau sanitaire et furent rangées dans la catégorie des eaux aristocratiques et sentant mauvais. Ce fut alors que M. de Flubet, pour donner toute facilité aux malades de venir prendre les eaux, fit bâtir des bains et convertir sa maison en un hôtel qui a pris le titre d'hôtel des bains. Un autre hôtel vint, brochant sur le tout, et s'intitula « Grand hôtel de Pierrefonds ». La route de Compiègne à Pierrefonds se macadamisa, celle de Pierrefonds à Villers-Cotterêts se pava. Le chemin de fer du Nord, qui avait déjà établi des trains de plaisir pour Compiègne, n'eut que cette petite adjonction à faire, et pour Pierrefonds, Pierrefonds, qui, il y a 30 ans, était une solitude dans le genre de celle des Pampas ou des montagnes rocheuses, est donc aujourd'hui une colonie d'artistes, de voyageurs, de touristes et de malades, située à l'extrémité d'un des faubourgs de Paris. Pierrefonds est une salle de spectacle où viennent jouer les acteurs de Compiègne, une salle de concert où viennent chanter les acteurs de Paris. Enfin, Pierrefonds, parvenu au dernier degré de la civilisation, vient d'avoir son feu d'artifice. Oui, direz-vous, un feu d'artifice, c'est-à-dire 4 chandelles romaines et un soleil cloué contre un arbre. Non pas, cher lecteur, un véritable feu d'artifice, avec ses feux de Bengale, en manière de prologue, ses 5 actes et son épilogue. Son épilogue était un magnifique bouquet. le tout apporté, ordonné, tiré par Ruggieri. Racontons comment s'accomplit ce grand événement. Après avoir passé quelques jours à Compiègne, chez mon ami Villermeau, le meilleur cuisinier du département, dans la collaboration duquel je compte faire un jour le meilleur et le plus savant livre de cuisine qui ait jamais été fait. J'étais venu finir je ne sais plus quel roman, ou quel drame au Grand Hôtel de Pierrefonds, où je ne pensais pas le moins du monde à un feu d'artifice, je vous jure. Un matin, deux jeunes gens se présentent chez moi avec une liste de souscription. Il s'agissait d'illuminer les ruines avec des feux de Bengale le soir du dimanche suivant. Je donnai mon louis pour la contribution à l'œuvre pittoresque. Ils me remercièrent et descendirent l'escalier. Ils n'étaient pas encore au premier étage qu'il m'était venu une idée. Je l'ai rappelé. « Messieurs, leur demandai-je, sans indiscrétion, où allez-vous acheter vos artifices ?»« À Paris. »« Chez qui ?»« Chez Ruggieri. » »« Attendez. » J'écrivis une lettre. « Tenez, leur dis-je, remettez cette lettre à mon ami Désiré. »« Qu'est-ce que votre ami Désiré ?»« Ruggieri en personne. Non seulement je contribue au feu d'artifice, mais encore je fournis l'artificier. » Les deux jeunes gens restèrent stupéfaits. « Comment ?» me demandèrent-ils. « Vous croyez que M. Ruggieri se dérangera ?»« J'en suis sûr. »« Pour nous ?»« Pour vous un peu. Beaucoup pour moi. » Ils se retirèrent en hochant la tête. Et moi, je me remis à mon travail en murmurant. « Je crois bien qu'il se dérangera. »« Il se dérangera bien, ce cher ami, pour venir me faire des feux d'artifice à Bruxelles et m'illuminer le boulevard de Waterloo et la forêt de Boisfort. »« Je crois bien qu'il se dérangera. » Tout à coup, je me mis à rire tout seul. Cela m'arrive quelquefois, plus souvent même que lorsque je suis en compagnie. Je me rappelais comment, dans la forêt de Boisfort, non seulement mon artifice, mais encore l'artificier avait pris feu, et combien peu il s'en était fallu que Ruggieri ne s'évanouît en flammes et en fumée, comme sa marchandise. Vous comprenez bien, cher lecteur, que le bruit s'était répandu rapidement, que M. Alexandre Dumas avait écrit à M. Ruggieri, et que M. Ruggieri devait venir. Il se manifestait dans tous les environs un mouvement inaccoutumé. Des paris s'étaient ouverts. Ruggieri viendra-t-il ? Ruggieri ne viendra-t-il pas ? On accourut me demander. Est-il bien vrai que M. Ruggieri viendra ? Pourquoi cela ? Parce que j'écrirai à mon cousin à Attichy, à mon frère à Villers-Cotterêts, à mon oncle à Vic-sur-Aisne. Écrivez à votre oncle à Vic-sur-Aisne, à votre frère à Villers-Cotterêts, à votre cousin à Attichy. Et il viendra, nous pouvons y croire, aussi certainement que s'il était arrivé. Et chacun partait en criant. J'écris qu'il viendra. Mais me direz-vous, cher lecteur, comment pouviez-vous répondre avec une pareille certitude ? Est-ce que je ne connais pas mon artiste ? Vous croyez que Ruggieri fait des feux d'artifice parce qu'il est artificier ? C'est tout le contraire. Il est artificier parce qu'il fait de feux d'artifice. Ce n'est pas un état qu'il fait, c'est un plaisir qu'il se donne. L'héroïne Pierrefonds a illuminé, et Ruggieri ne viendrait pas. Allons donc, vous ne connaissez pas Ruggieri. Le dimanche, à midi précis, on frappa à ma porte. Entrez, Ruggieri, criai-je. Et Ruggieri entra. Il y a entre nous autres une franc-maçonnerie d'art qui fait que nous pouvons répondre les uns des autres. Une heure après, on savait, à trois lieues à la ronde, que Ruggieri était arrivé, qu'il y aurait feu d'artifice sur la pelouse et l'illumination des ruines. À 7h du soir, 10 000 personnes attendaient au bord du lac. À 8h30, le canon du brick donna le signal. C'était une véritable nuit de feux d'artifice. Noir, sombre, sans étoiles, à ne pas voir le bout de son nez. Bientôt, à bord d'une barque invisible, jusque-là, un feu rouge s'alluma. La barque glissa sur le lac, éclairant ses rameurs en se reflétant dans l'eau. Les premiers cris de joie commencèrent. Ce premier feu éteint, une autre barque lui succéda à un autre endroit avec un feu vert, puis une troisième avec un feu blanc, puis ce troisième feu s'éteignit comme les deux autres, et cette fois tout rentra dans l'obscurité. Tout à coup, les 10 000 spectateurs poussèrent un grand cri. Les ruines, comme un spectre gigantesque, semblaient sortir de la montagne et se dresser dans la nuit. La pâle apparition dura 10 minutes. Après le premier cri poussé, chacun s'était tu. L'apparition évanouie, les bravos éclatèrent. Trois fois le fantastique mirage se renouvela, et chaque fois avec une atteinte différente. Pour mon compte, je n'ai rien vu de plus merveilleux. Songez-y donc. Un lac, des ruines et Ruggieri. Le feu d'artifice tiré, la dernière fusée éteinte, la dernière boîte à feu brûlée, on fit irruption dans le parc de M. de Flubet. C'était à qui remercierait le grand artiste auquel on devait cette magnifique soirée. Je le trouvais soucieux au milieu de ce triomphe. « Qu'avez-vous donc ?» lui demandai-je. « Je ne connais pas bien les ruines, de sorte que je n'en ai pas tiré tout le parti possible, » répondit Ruggieri. « Mais, ajouta-t-il, je reviendrai. » S'il revient, et que je sois encore à Pierrefonds, cher lecteur, je promets de vous en faire part à temps, pour que vous puissiez venir. Dernière nouvelle. Le lotus blanc et la rose mousseuse. Dans un de ces spirituels feuilletons du siècle, Alphonse Karr écrivait, et il y a quelque temps, ce qui suit, à propos d'une fleur dont j'avais orné la serre de Regina, de la Motte Houdan, l'héroïne des Mohicans de Paris. J'étais bien surpris qu'Alexandre Dumas, le brillant auteur de tant de volumes, ne m'eût jamais jusqu'ici fourni que de fleurs pour mon jardin des romanciers. Mon jardin des romanciers est un jardin que j'ai composé des arbres et des fleurs que les écrivains contemporains, trop à l'étroit dans le monde réel, ont placés dans leurs livres. Ce jardin doit à Madame Sand un chrysanthème à fleurs bleues. À Victor Hugo, un rosier de Bengale, sans épines. À Balzac, l'azaléa grimpante. À Jules Janin, l'œillet bleu. À Madame de Genlis, la rose verte. À Eugène Sue, une variété de cactus qui fleurit en plein air sous le climat de Paris. À Monsieur Paul Féval, une variété de mélèzes qui gardent leurs feuilles pendant l'hiver. À Monsieur Forgue, une jolie petite clématite rose qui grimpe et fleurit sur les fenêtres du quartier latin. À Monsieur Rôle, un camélia à odeur enivrante. À Dumas, déjà nommé, une certaine tulipe noire qui, venue de graines, fleurit l'année même du semis et qui, de ses cailleux, produit des fleurs qui ne lui ressemblent pas. De plus, un tournesol qui s'ouvre le matin et conséquemment se ferme le soir. Dumas vient d'enrichir le jardin d'un lotus blanc, comme la neige, à pétales transparentes, lui ont fait dire les imprimeurs. Ah, mon cher Dumas, c'est, sans contredit, une de tes plus belles créations. Recevons donc solennellement ton lotus blanc à pétales transparents dans le jardin des romanciers. L'ancien lotus représenté dans les monuments égyptiens sur la tête d'Osiris était rose ou bleu, suivant Athénée. Les Chinois représentent le lotus avec des fleurs pourpres sur leur papier de tapisserie, dont les fleurs, qui ont passé longtemps pour des rêves, ont fini par venir dans nos climats. M. Savigny, qui a fait l'expédition d'Égypte, et le savant maître M. Porré, le déclare rose. Théophraste est du même avis, ainsi que Barthélemy. L'empereur Adrien, ayant tué un lion à la chasse, un poète essaya de lui faire croire qu'un lotus rose qu'il lui présenta devait son coloris au sang de ce lion. Le seul botaniste qui se rapproche un peu de ton avis sur le lotus est M. Lemahou, qui, à la page 319 d'un très beau volume, édité par Kurmer, parle du nymphéa lotus qui est, dit-il, le lotus des Égyptiens. Il le représente comme blanc avec un bord rosé. C'est le lotus le plus blanc dont il ait jamais été fait mention. Et il n'est pas si blanc que le tien, que tu donnes comme aussi blanc que la neige de l'Himalaya. D'ailleurs, à la page 322 du même volume, M. Lemahou n'est plus du tout de ton avis, ni de son avis de la page 319. Le Nelimbo, dit-il, est le lotus sacré qui couronne le front d'Osiris. Il a la fleur rose. Nulle part, il n'est question de lotus à pétales transparents, ni à pétales féminins. Ce lotus t'appartient donc entièrement. On ne l'a jamais vu, ainsi que la tulipe noire, que dans des livres. Je suis dans mon droit en te faisant cette chicane, comme l'était le savetier qui critiqua la chaussure représentée par ce peintre de l'Antiquité, Nessutor ultra crepidam. J'admire le reste comme je dois. Alphonse Karr. Réponse d'Alexandre Dumas. Tu comprends, cher ami, combien je suis sensible à l'honneur que tu me fais en me plaçant en si bonne compagnie. Mais cet honneur, non point par fierté, mais par honnêteté, au contraire, je suis forcé de m'y soustraire. J'ai enrichi, dis-tu, ton jardin des romanciers d'un lotus blanc, comme la neige, qui couronne le sommet de l'Himalaya. Et c'est à ce lotus de mon invention que je dois être présenté par toi au chrysanthème à fleurs bleues de Madame Sand, au rosier sans épines de Victor Hugo et à l'azaléa grimpante de Balzac. Cher ami, tu sais bien que l'homme n'invente pas. Hélas, je suis homme et n'ai pas inventé le lotus blanc. C'est Dieu le grand inventeur de toutes choses qui a encore inventé celle-là. Et je vais t'en donner la preuve, contresignée par M. Belfield Lefebvre. Écoute ce que dit dans le dictionnaire de la conversation, article Lotus, ce savant botanus. Lotus, lotos. Les écrivains de l'Antiquité, naturalistes, historiens et philosophes, font fréquente mention d'une espèce végétale qu'ils désignent sous le nom de lotos. Premièrement, plante arborescente. Deuxièmement, plante aquatique. Trois espèces végétales distinctes qui croissaient dans les eaux du Nil et y formaient des bouquets de verdure étaient désignées et vénérées par les anciens Égyptiens sous le nom de loto. La première de ces espèces, surnommée par quelques naturalistes anciens le Siamoe Egyptiacus, a été décrite par Hérodote sous le nom de lys rose. Sa racine, épaisse et charnue, servait d'aliment. Sa fleur avait deux fois la grandeur de celle du pavot, et son fruit, que l'on comparait à un rayon circulaire de miel, renfermait dans des alvéoles creusées à sa face supérieure une trentaine de fèves arrondies. Il y a tout lieu de croire que cette plante aquatique, qui a aujourd'hui complètement disparu des eaux du Nil et qu'on ne retrouve que dans l'Inde, n'est autre que le Nymphaea nelumbo de Linné, le Nelumbium speciosum de Wynneau. La deuxième espèce, attention mon cher Alphonse, nous brûlons, comme on dit dans les Jeux innocents. La deuxième espèce offrait, selon Hérodote, des racines tubéreuses et charnues, des fleurs grandes et blanches, comme celles du lys, des fruits semblables à ceux du pavot et renfermant une multitude de grains dont on faisait une sorte de pain. Au coucher du soleil, elle fermait sa corolle et se retirait sous les eaux pour ne reparaître à la surface que retour de cet astre. Cette espèce, différenciée de l'espèce précédente, et par la forme de la racine, et par la couleur de la fleur, et par la structure du fruit, était suivant toute probabilité la Nymphaea lotus de Linné, qui croît encore aujourd'hui dans les eaux du Nil. Enfin, une troisième espèce croissait dans le Nil et se distinguait de la précédente par ses feuilles non dentées et par ses fleurs plus petites et d'une belle teinte bleue. C'est la plante que les Arabes désignent sous le nom de linoufar. Tu vois, cher ami, que je suis à regret, obligé de sortir de ton paradis céleste, à moins que, comme Adam, mon aïeul, je ne veuille m'exposer à en être chassé. Et cela m'est d'autant plus pénible que les honneurs de ce jardin embaumé m'eussent été faits par une rose que tu viens d'inventer et qui, à l'heure qu'il est le plus bel ornement de ce fantastique parterre, par la rose mousseuse. Dans le même feuilleton où tu me chicanes sur mon lotus blanc, tu disais, cher ami, passant de la botanique au code pénal, du jardin des romanciers au palais de justice, un magistrat a rendu aux roses un hommage que je ne puis passer sous silence. Un gredin émérite, galérien évadé, paraissait devant le tribunal. Il avait un habit noir, une chaîne à son gilet, des gants de couleur claire, des cheveux gras et frisés, et une rose mousseuse ornait sa boutonnière. Excuse-moi, mon cher Alphonse, je connais la rose du Caucase, la rose du Kamtchatka, la rose bractiolée de Chine, la rose turneps de la Caroline, la rose luisante des États-Unis, la rose de mai, la rose de Suède, la rose des Alpes, la rose de Sibérie, la rose jaune du Levant, la rose de Nankin, la rose de Damas, la rose de Bengale, la rose de Provence, la rose de Champagne, la rose de Saint-Cloud, la rose de Provins, la rose moussue même. Je connais enfin les 3000 variétés de roses du bon jardinier, mais je ne connais pas la rose mousseuse. Est-ce une rose nouvelle, cher Alphonse, que tu aurais obtenue en l'arrosant avec du vin de champagne mousseux, Aïmouette ou Cliquot? C'est possible, après tout. En ce cas, si ce n'est point par trop indiscret de te demander une pareille faveur, à la sève d'août, c'est-à-dire à l'époque où ta rose mousseuse moussera, envoie-moi quelques greffes pour un jardin que je suis en train de faire sur ma fenêtre. Réplique d'Alphonse Carr. Tu m'as bien l'air, mon cher Dumas, de vouloir échapper de mon jardin des romanciers. Tu n'as pas espéré que je te laisserai ainsi partir sans faire quelques efforts pour te retenir. Comme j'ai fait il y a quelques années, dans ce petit jardin au bord de la mer, nous avons passé ensemble quelques bonnes heures étendues sur l'herbe. Tu prétends avoir prouvé que tu n'as pas inventé le lotus à pétales transparents, blanc comme les neiges de l'Himalaya? Voyons ta preuve. C'est une preuve par champion, comme l'ancien jugement de Dieu. Voyons donc les champions. Pour le lotus blanc, contre le lotus blanc. Théophraste, Hérodote, Athénée, Porée, Belphile Lefebvre, Barthélemy, Savigny, Le Mahout, page 319, Le Mahout, page 322, Alexandre Dumas, Alphonse Karr. Je ne veux pas abuser de l'avantage du nombre. Je ne compterai pas les champions. Je les pèserai. D'abord, tu produis un ancien, c'est-à-dire une de ces opinions quasi religieusement respectées dès notre enfance, sous peine de pincomme. Je sais qu'Hérodote a une grande réputation de véracité. Aussi, je lui oppose deux anciens, Théophraste, qui a fait une histoire des plantes, et un peu notre Labruyère, et Athénée, un grammairien, et ensuite un savant moderne et vivant. Je mets 300 ans, dont un est mort, ce qui lui donne un éminent avantage, les morts de jeunes personnes, et on se sert d'eux contre les vivants qui vous gênent. Mes deux anciens valent-ils ton ancien? Mes trois savants, dont un vivant, valent-ils ton savant vivant? À Monsieur Le Mahout, page 319, j'oppose Monsieur Le Mahout, page 322. Il y a équilibre. L'équilibre est plus difficile à établir entre Alexandre Dumas et Alphonse Karr. Mais je vais diminuer deux de tes champions et m'augmenter de ce que je leur ôterai. D'abord Hérodote, malgré une véracité reconnue, commet une erreur dans le passage que tu cites de lui. Il affirme que le lotus descend sous l'eau au coucher du soleil. C'est une chose que l'on dit généralement de tous les nymphéas. Mais il y a 20 ans que je les regarde, et j'affirme qu'ils ne me redescendent sous l'eau que lorsqu'ils ont perdu leur fraîcheur, et vont s'occuper de mûrir leurs graines. Un soir, en effet, le nymphéa, qui, comme dit Hérodote, referme chaque soir sa corolle, redescend sous l'eau, c'est vrai, mais il ne remonte pas le lendemain. La fleur pense, comme la marquise de Lambert, qu'il faut quitter les salons quand on ne peut plus les orner. Elle va, loin des cieux, s'occuper dans la retraite de sa future famille. Or, un témoin qui commet une erreur sur un point connu rend très suspect son témoignage sur un point en litige. D'autre part, je t'ai compté comme nul le témoignage de M. Le Mahout. Mais il ne t'appuie qu'à moitié. Son lotus de la page 319 est blanc et rose. Et il ne ressemble donc pas aux neiges de l'Himalaya, mais à une glace de chez Dortoni, crème et framboise. Et je ne parle pas des Chinois, qui sont de mon avis. Les Chinois, ce grand peuple de faïence qui est en train de se casser. Elle est belle ta preuve. Supposons maintenant que tu aies prouvé que le lotus est blanc comme la neige de l'Himalaya. Tu resterais encore avoir inventé lotus à pétales transparents, car tous les autres ont la feuille épaisse et mate. Ce serait déjà bien garanti. Remarque que, plus généreux que toi, je ne te reproche pas d'avoir dit pétales transparentes. Toi qui me tends si rudement pour une rose mousseuse, que dirais-tu si je répondais mousseuse, faute d'impression, comme transparente? Mais non, j'ai écrit mousseuse, et je vais me défendre sur ce point, maintenant que je t'ai un peu replanté dans mon jardin, me réservant de t'y planter définitivement tout à l'heure. Et d'abord, je n'ai pas inventé la rose mousseuse. Mille jardiniers anglais a inventé la rosa muscosa, mais Madame de Genlis, qui l'a apportée en France, à cause de quoi il lui sera beaucoup pardonné, la produisit sous le nom de rosée mousseuse, voire dans ses mémoires. Lis-les, pendant que je relirai les tiens, je serai vengé. À cheval donné, on ne regarde pas à la bride. On ne chicana pas Madame de Genlis sur le nom qu'elle donnait à cette belle fleur, et ce nom fut accepté. Pas plus qu'on ne la chicana sur le nom de Pamela, qu'elle a bien donné à cette belle lady, Fitzgerald, qu'elle avait également rapportée d'Angleterre, en même temps que la rose moussue. Tu partages l'opinion des Arabes qui poussent si loin l'hospitalité et la générosité, qui disent qu'on peut voler pour donner. Tu dépouilles cette pauvre vieille pour emmener ton ami. Je suis bien de ton avis. Moussue serait mieux que mousseuse. Mousseuse est une faute de français. Aussi, désormais, je dis rose moussue. C'est par lâcheté que je prononçais mousseuse. Je me disais, il faut hurler avec les loups. Ces jardiniers. Et quel jardinier? Tu vas le voir tout à l'heure, disent rose mousseuse. Tu me rirais au nez si je te disais, le dictionnaire de l'Académie accepte rose mousseuse en protestant, il est vrai, mais il accepte. Mais écoute un peu si ceux qui disent rose mousseuse ont le droit d'avoir voix au chapitre. Monsieur Hardy, qui a créé trois roses au moins, la rose Hardy, le triomphe du Luxembourg, et Madame Hardy, la plus belle des roses blanches, dit rose mousseuse. De même que Monsieur Vibert, auquel l'on doit Christata, Adèle Mosé, Jacques Lafitte, Monsieur Lafay, le père du prince Albert, de la duchesse de Sutherland, de la rose de la reine, et de la rose Louis Bonaparte, qui, née en 1842, était alors dédiée au roi de Hollande, Monsieur Portner, qui a obtenu de Semy la rose duchesse de Galliera, et une autre qui me fait l'honneur de porter mon nom, de même qu'une rose née chez Monsieur Van Hout de Gand, qui a mis au jour en août la marbrée d'Enghien, de Narcisse, de Salvandie, le plus beau des provins. Monsieur Van Hout met sur ses catalogues rose mousseuse, comme Monsieur Houdin de Lisieux, qui a vu naître dans son jardin la belle rose Jenny de Chateaubriand, comme Feu d'Esprit, auquel on doit la noisette d'Esprit, et la baronne Prévost, comme M. Guillot, qui a produit récemment le géant des batailles, comme M. Belus, qui près de Lyon a gagné de Semy la splendide rose souvenir de la Malmaison. Remarquons en passant que la rose est un peu bonapartiste, pas en mauvaise humeur sans doute, comme le lys, que l'on a cru longtemps être son rival et son compétiteur dans l'Empire de Flore. Ce n'est ni toi ni moi, et Margotin, et l'évêque, et Souchet, et Verdier, ces autres maîtres des roses, et des roses mousseuses. Et Bixio donc, ton ami Bixio, dit rose mousseuse dans sa maison rustique. Ce seraient de terribles autorités contre nous deux. Bah, nous acceptons notre faute. Veux-tu que nous acceptions celle-là? Orgue, masculin au singulier, féminin au pluriel, ce qui amène la phrase « un des plus belles orgues ». Hymne, masculin dans les livres, féminin dans les livres de messe. Boileau dit un hymne vain, et l'Académie, après que l'hymne fut chanté, et eux. Pendant 20 ans en Normandie, j'ai appelé fossé la berge du fossé, ou plutôt la terre sortie du fossé, c'est-à-dire ce qui est en est le contraire, sous peine de ne pas être entendu. Si à Gênes et à Nice on appelait l'héliotrope autrement que vanille, on ne saurait pas ce que vous voulez dire, et pourtant l'héliotrope n'est pas la vanille. Héliotrope me rappelle tournesol, c'est le même mot, et tant pis pour toi, nous allons en reparler tout à l'heure. Revenons un peu au lotus à pétales transparents, blancs comme les neiges de l'Himalaya. Je suppose, malgré l'avantage remporté par mes champions, qu'un de tes lotus est blanc. Eh bien, tu n'aurais pas eu le droit encore de dire, blanc comme le lotus, car il y a, tu ne le nies pas, des lotus roses, des lotus bleus et des lotus blancs, prétends-tu. J'ajouterai qu'il ressort de notre débat que si le lotus blanc existe, c'est le plus rare et le moins connu des trois. Prendrais-tu la rose pour type de jaune? Dirais-tu jaune comme une rose? Cependant, il y a des roses jaunes, chromatella, persian yellow, noisette d'Esprit, ophirée, solfatare, lapin prunelle jaune, etc. Parce qu'il n'est pas logique de prendre une exception pour type. Je suis bien bon de te retenir dans mon jardin par les longs bisomes, par les racines de ton lotus à pétales blancs et transparents. Mais, malheureux, tu t'y es planté irrévocablement depuis 4 ans par ta fameuse tulipe noire. Tu y végètes par ton tournesol qui s'ouvre le matin et se ferme à la fin du jour. Notons que tu n'as pas répondu sur ces 2 points. Ah, tu veux t'en arracher, t'en sarcler comme une mauvaise herbe, en m'y plantant moi-même. Tu ne peux pas plus t'en déraciner que les sœurs de Phaéton ne purent se déraciner de leur peuplier, Syrinx de ses roseaux et Daphné de son laurier. Tu resteras dans mon jardin des romanciers, et tu en feras malgré toi le plus bel ornement. Je te sers bien cordialement, les 2 mains. Alphonse Carr. Fin de Bric-à-Brac.